Histoire naturelle des oiseaux, volume 11, Georges-Louis Leclerc Buffon. Le coucou. Dès le temps d'Aristote, on disait communément que jamais personne n'avait vu la couvée du coucou. On savait dès lors que cet oiseau pond comme les autres, mais qu'il ne fait point de nid. On savait qu'il dépose ses œufs ou son œuf, car il est rare qu'il en dépose deux au même endroit, dans les nids des autres oiseaux, plus petits ou plus grands, tels que les fauvettes, les verdiers, les alouettes, les ramiers, etc. Qu'il mange souvent les œufs qu'il y trouve, qu'il laisse à l'étrangère le soin de couver, nourrir, élever sa géniture. Que cette étrangère, et nommément la fauvette, s'acquitte fidèlement de ses soins. Et avec tant de succès que ses élèves deviennent très gras et sont alors un morceau succulent. On savait que leur plumage change beaucoup lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. On savait enfin que les coucous commencent à paraître et à se faire entendre dès les premiers jours du printemps, qu'ils ont l'aile faible en arrivant, qu'ils se taisent pendant la canicule, et l'on disait que certaines espèces faisaient sa ponte dans les trous des rochers escarpés. Voilà les principaux faits de l'histoire du coucou. Ils étaient connus il y a 2000 ans, et les siècles postérieurs n'y ont rien ajouté. Quelques-uns, même de ces faits, étaient tombés dans l'oubli, notamment leur ponte dans les trous des rochers. On n'a pas ajouté davantage aux fables qui se débitent depuis le même temps, à peu près, sur cet oiseau singulier. Le faux a ses limites, ainsi que le vrai. L'un et l'autre est bientôt épuisé sur tout sujet qui a une grande célébrité, et dont, par conséquent, on s'occupe beaucoup. Le peuple disait donc, il y a 20 siècles, comme il le dit encore aujourd'hui, que le coucou n'est autre chose qu'un petit épervier métamorphosé, que cette métamorphose se renouvelle tous les ans, à une époque déterminée, que lorsqu'il revient au printemps, c'est sur les épaules du milan qui veut bien lui servir de monture, afin de ménager la faiblesse de ses ailes, complaisance remarquable dans un oiseau de proie tel que le milan. Qu'ils jettent sur les plantes une salive qui leur est funeste par les insectes qu'elle engendre, que la femelle coucou a l'attention de pondre dans chaque nid qu'elle peut découvrir un œuf de la couleur des œufs de ce nid pour mieux tromper la mère, que celle-ci se fait la nourrice ou la gouvernante du jeune coucou, qu'elle lui sacrifie ses petits qui lui paraissent moins jolis. Qu'en vrai marâtre, elle les néglige ou qu'elle les tue et les lui fait manger. D'autres soupçonnent que la mère coucou revient au nid où elle a déposé son œuf et qu'elle chasse ou mange les enfants de la maison pour mettre le sien plus à son aise. D'autres veulent que ce soit celui-ci qui en fasse sa proie, ou du moins qui les rende victimes de sa voracité en s'appropriant exclusivement toutes les subsistances que peut fournir la pourvoyeuse commune. Hélène raconte que le jeune coucou s'entend bien en lui-même qu'il est bâtard ou plutôt qu'il est un intrus et craignant d'être traité comme tel, sur les seules couleurs de son plumage s'envole dès qu'il peut remuer les ailes et va rejoindre sa véritable mère. D'autres prétendent que c'est la nourrice qui abandonne le nourrisson lorsqu'elle s'aperçoit aux couleurs de son plumage qu'il est d'une autre espèce. Enfin, plusieurs croient qu'avant de prendre son essor, le nourrisson dévore la nourrice qui lui a tout donné jusqu'à son propre sang. Il semble qu'on ait voulu faire du coucou un archétype d'ingratitude. Mais il ne fallait pas lui prêter des crimes physiquement impossibles. N'est-il pas impossible en effet que le jeune coucou, à peine en état de manger seul, ait assez de force pour dévorer un pigeon ramier, une alouette, un bruant, une fauvette? Il est vrai que l'on peut citer en preuve de cette possibilité un fait rapporté par un auteur grave, M. Klein, qu'il avait observé à l'âge de 16 ans, ayant découvert dans le jardin de son père un nid de fauvettes et dans ce nid un œuf unique qu'on soupçonna être un œuf de coucou. Il donna au coucou le temps d'éclore et même de se revêtir de plumes, après quoi il renferma le nid et l'oiseau dans une cage qu'il laissa sur place. Quelques jours après, il trouva la mère fauvette prise entre les bâtons de la cage, ayant la tête engagée dans le gosier du jeune coucou, qu'il avait avalé, dit-on, par mégarde, croyant avaler seulement la chenille que la nourrice lui présentait apparemment de trop près. Ce sera quelque fait semblable qui aura donné lieu à la mauvaise réputation de cet oiseau. Mais il n'est pas vrai qu'il ait l'habitude de dévorer ni sa nourrice, ni les petits de sa nourrice. Premièrement, il a le bec trop faible. Quoique assez gros, le coucou de Monsieur Clair en est la preuve, puisqu'il mourut étouffé par la tête de la fauvette dont il n'avait pu briser les os. En second lieu, comme les preuves tirées de l'impossible sont souvent équivoques et presque toujours suspectes aux bons esprits, j'ai voulu constater le fait par la voie de l'expérience. Le 27 juin, ayant mis un jeune coucou de l'année qui avait déjà 9 pouces de longueur totale, dans une cage ouverte avec 3 jeunes fauvettes qui n'avaient pas le quart de leur plume, et ne mangeaient point encore seuls, ce coucou, loin de les dévorer ou de les menacer, semblait vouloir reconnaître les obligations qu'il avait à l'espèce. Il souffrait avec complaisance que ces petits oiseaux, qui ne paraissaient point du tout avoir peur de lui, cherchassent un asile sous ses ailes et s'y réchauffassent comme ils eussent fait sous les ailes de leur mère, tandis que dans le même temps une jeune alouette de l'année, et qui n'avait encore vécu que de la béquille qu'on lui donnait, apprit à manger seule en dévorant toute vivante une 4e fauvette que l'on avait attachée auprès d'elle. Je sais que quelques-uns, pour dernier adoucissement, ont dit que le coucou ne mangeait que les petits oiseaux qui venaient d'éclore et n'avaient point encore de plumes. À la vérité, ces petits embryons sont pour ainsi dire des êtres intermédiaires entre l'œuf et l'oiseau, et par conséquent peuvent absolument être mangés par un animal qui a coutume de se nourrir d'œufs couvés ou non couvés, mais ce fait, quoique moins invraisemblable, ne doit passer pour vrai que lorsqu'il aura été constaté par l'observation. Quant à la salive du coucou, on sait que ce n'est autre chose que l'exudation écumeuse de la larve d'une certaine cigale appelée la bédode. Il est possible qu'on ait vu un coucou chercher cette larve dans son écume et qu'on ait cru l'y voir déposer sa salive. Ensuite, on aura remarqué qu'il sortait un insecte de pareille écume, et on se sera cru fondé à dire qu'on avait vu la salive du coucou engendrer la vermine. Je ne combattrai pas sérieusement la prétendue métamorphose annuelle du coucou en épervier. C'est une absurdité qui n'a jamais été crue par les vrais naturalistes et que quelques-uns d'eux ont réfutée. Je dirai seulement que ce qui a pu y donner occasion, c'est que ces deux oiseaux ne se trouvent guère dans nos climats en même temps, et qu'ils se ressemblent par le plumage, par la couleur des yeux et des pieds, par leur longue queue, par leur estomac membraneux, par la taille, par le vol, par leur peu de fécondité, par leur vie solitaire, par les longues plumes qui descendent des jambes sur les tarses, etc. Ajoutez à cela que les couleurs du plumage sont fort sujettes à varier dans l'une et l'autre espèce, au point qu'on a vu une femelle coucou, bien vérifiée femelle par la dissection, qu'on eût prise pour le bel émerillon. Quant aux couleurs, tant son plumage était joliment varié. Mais ce n'est point tout cela qui constitue l'oiseau de proie. C'est le bec et la serre, c'est le courage et la force, du moins la force relative, et à cet égard il s'en faut bien que le coucou soit un oiseau de proie. Il ne l'est pas un seul jour de sa vie, si ce n'est en apparence et par des circonstances singulières, comme le fut celui de M. Klein. M. Lottinger a observé que les coucous de 5 ou 6 mois sont aussi niais que les jeunes pigeons, qu'ils ont si peu de mouvements qu'ils restent des heures dans la même place, et si peu d'appétit qu'il faut leur aider à avaler. Il est vrai qu'en vieillissant, ils prennent un peu plus de hardiesse et qu'ils en imposent quelquefois de véritables oiseaux de proie. Monsieur le vicomte de Kercoing, dont le témoignage mérite toute confiance, en a vu un qui, lorsqu'il croyait avoir quelque chose à craindre d'un autre oiseau, hérissait ses plumes, haussait et baissait la tête lentement et à plusieurs reprises, puis s'élançait en criant, et par ce manège mettait souvent en fuite une cresserelle qu'on nourrissait dans la même maison. Au reste, bien loin d'être ingrat, le coucou paraît conserver le souvenir des bienfaits et n'y être pas insensible. On prétend qu'en arrivant de son quartier d'hiver, il se rend avec empressement au lieu de sa naissance, et que lorsqu'il y trouve sa nourrice ou ses frères nourriciers, tous éprouvent une joie réciproque, qu'ils expriment chacun à leur manière, et sans doute ce sont ces expressions différentes, ce sont leurs caresses mutuelles, leurs cris d'allégresse, leurs jeux qu'on aura pris pour une guerre que les petits oiseaux faisaient au coucou. Il se peut néanmoins qu'on ait vu entre eux de véritables combats, par exemple lorsqu'un coucou étranger, cédant à son instinct, aura voulu détruire leurs œufs pour placer le sien dans leur nid, et qu'ils l'auront pris sur le fait. C'est cette habitude bien constatée qu'il a de pondre dans le nid d'autrui qui est la principale singularité de son histoire, quoiqu'elle ne soit pas absolument sans exemple. Gessner parle d'un certain oiseau de proie fort ressemblant à l'entour qui pond dans le nid du choucas, et si l'on veut croire que cet oiseau inconnu qui ressemble à l'autour n'est autre chose qu'un coucou, d'autant plus que celui-ci a été souvent pris pour un oiseau de proie et que l'on ne connaît point de véritables oiseaux de proie qui pondent dans des nids étrangers, du moins on ne peut nier que les torcous n'établissent quelquefois leurs nombreuses couvées dans des nids de sittelles, comme je m'en suis assuré que les moineaux ne s'emparent aussi des nids d'hirondelles, etc. Mais ce sont des cas assez rares, surtout à l'égard des espèces qui construisent un nid, que pour l'habitude qu'a le coucou de pondre tous les ans dans des nids étrangers, doivent être regardés comme un phénomène singulier. Une autre singularité de son histoire, c'est qu'il ne pond qu'un œuf. Du moins qu'un seul œuf dans chaque nid, car il est possible qu'il en ponde deux, comme le dit Aristote, et comme on l'a reconnu possible dans la dissection des femelles, dont l'ovaire présente assez souvent deux œufs bien conformés et d'égale grosseur. Ces deux singularités semblent tenir à une troisième et pouvoir s'expliquer par elles. C'est que leur mue est plus tardive et plus complète que celle de la plupart des oiseaux. On rencontre quelquefois l'hiver, dans le creux des arbres, un ou deux coucous entièrement nus, nus au point qu'on les prendrait au premier coup d'œil pour de véritables crapauds. Le révérend père Bougot, que nous avons cité plusieurs fois, avec la confiance qui lui est due, nous a assuré en avoir vu un dans cet état qui avait été trouvé sur la fin de décembre dans un trou d'arbre. De quatre autres coucous élevés chez M. Johnson, cités par Willoughby, le second chez M. le comte de Buffon, le troisième chez M. Hébert et le quatrième chez moi. Le premier devint languissant aux approches de l'hiver, ensuite galeux et mourut. Le second et le troisième se dépouillèrent totalement de leurs plumes dans le mois de novembre, et le quatrième, qui mourut sur la fin d'octobre, en avait perdu plus de la moitié. Le second et le troisième moururent aussi, mais avant de mourir, ils tombèrent dans une espèce d'engourdissement et de torpeur. On cite plusieurs autres faits semblables, et si l'on a eu tort d'en conclure que tous les coucous qui paraissaient l'été dans un pays y restent l'hiver dans les arbres creux ou dans les trous en terre engourdis, dépouillés de plumes, et selon quelques-uns avec une ample provision de blé, dont toutefois cette espèce ne mange jamais, on peut du moins, ce me semble, en conclure légitimement. Premièrement, que ceux qui au moment du départ sont malades ou blessés ou trop jeunes, en un mot trop faibles, par quelque raison que ce soit pour entreprendre une longue route, restent dans le pays où ils se trouvent, y passent l'hiver, se mettant de leur mieux à l'abri du froid dans les premiers trous qu'ils rencontrent à quelque bonne exposition, comme font les cailles, comme avait fait apparemment le coucou vu par le révérend père Bougot. Deuxièmement, qu'en général, ces sortes d'oiseaux entrent en mue fort tard, que par conséquent, ils refont leurs plumes aussi fort tard, et qu'à peine elles sont refaites au temps où ils reparaissent, c'est-à-dire au commencement du printemps, aussi ont-ils les ailes faibles alors, ne vont-ils que rarement sur les grands arbres. Mais ils se traînent, pour ainsi dire, de buisson en buisson, et se posent même quelquefois à terre, où ils sautillent comme les grives. On peut donc dire que dans la saison de l'amour, le superflu de la nourriture étant presque entièrement absorbé par l'accroissement des plumes, ne peut fournir que très peu à la reproduction de l'espèce, que c'est par cette raison que la femelle coucou ne pond ordinairement qu'un œuf ou tout au plus deux. Que cet oiseau ayant moins de ressources en lui-même pour l'acte principal de la génération, il a aussi moins d'ardeur pour tous les actes accessoires tendant à la conservation de l'espèce, tels que la nidification, l'incubation, l'éducation des petits, etc. Tous actes qui partent d'un même principe et gardent entre eux de proportion. D'ailleurs, de cela seul que les mâles de cette espèce ont l'instinct de manger les œufs des oiseaux, la femelle doit cacher soigneusement le sien. Elle ne doit pas retourner à l'endroit où elle l'a déposé, de peur de l'indiquer à son mâle. Elle doit donc choisir le nid le mieux caché, le plus éloigné des endroits qu'il fréquente. Elle doit même, si elle a deux œufs, les distribuer en différents nids. Elle doit les confier à des nourrices étrangères et se reposer sur ces nourrices de tous les soins nécessaires à leur entier développement. C'est aussi ce qu'elle fait en prenant néanmoins toutes les précautions qui lui sont inspirées par la tendresse pour sa géniture, et sachant résister à cette tendresse même pour qu'elle ne se trahisse point par l'indiscrétion. Considérez tous ces points de vue, les procédés du coucou rentreraient dans la règle générale et supposeraient l'amour de la mère pour les petits, et même un amour bien entendu qui préfère l'intérêt de l'objet aimé à la douce satisfaction de lui prodiguer ses soins. D'ailleurs, la seule dispersion de ses œufs en différents nids, quelle qu'en puisse être la cause, soit la nécessité de les dérober à la voracité du mâle, soit la petitesse du nid suffirait seule et très évidemment pour lui en rendre l'incubation impossible. Or, cette dispersion des œufs du coucou est plus que probable, puisque, comme nous l'avons dit, on trouve assez souvent deux œufs bien formés dans l'ovaire des femelles et très rarement deux de ces œufs dans le même nid. Au reste, le coucou n'est pas le seul parmi les oiseaux connus qui ne fasse point de nid. Plusieurs espèces de mésanges, les piques, les martins-pêcheurs, n'en font point non plus. Il n'est pas le seul qui ponde dans des nids étrangers, comme nous venons de le dire, et il n'est pas non plus le seul qui ne couve point ses œufs. Nous avons vu que l'autruche, dans la zone torride, dépose les siens sur le sable où la seule chaleur du soleil suffit pour les faire éclore. Il est vrai qu'elle ne les perd guère de vue et qu'elle veille assidûment à leur conservation, mais elle n'a pas les mêmes motifs que la femelle du coucou pour les cacher et pour dissimuler son attachement. Elle ne prend pas non plus, comme cette femelle, des précautions suffisantes pour la dispenser de tout autre soin. La conduite du coucou n'est donc point une irrégularité absurde, une anomalie monstrueuse, une exception aux lois de la nature, comme l'appelle Willoughby. Mais c'est un effet nécessaire de ces mêmes lois, une nuance qui appartient à l'ordre de leurs résultats, et qui ne pourrait y manquer sans laisser un vide dans le système général, sans causer une interruption dans la chaîne des phénomènes. Ce qui semble avoir le plus étonné certains naturalistes, c'est la complaisance qu'ils appellent dénaturée de la nourrice du coucou, laquelle oublie facilement ses propres œufs pour donner tous les soins à celui d'un oiseau étranger, et même d'un oiseau destructeur de sa propre famille. Un de ces naturalistes, fort habile d'ailleurs en ornithologie, frappé de cette singularité, a fait des observations suivies sur cette matière en notant à plusieurs petits oiseaux les œufs qu'ils avaient pondus et substituant un œuf unique de quelque oiseau autre que le coucou et que celui auquel appartenait le nid, il s'est cru en droit de conclure de ses observations qu'aucun des oiseaux qui se chargent de couver l'œuf du coucou, même au préjudice de sa propre famille, ne se chargerait de couver un œuf unique de tout autre oiseau qui lui serait présenté dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire qui serait substitué à tous les siens, parce que cette complaisance est nécessaire au seul coucou et que lui seul en jouit en vertu d'une loi spéciale du Créateur. Mais que cette conséquence paraîtra précaire et hasardée si l'on pèse les réflexions suivantes. Premièrement, il faut remarquer que la proposition dont il s'agit est générale par cela même qu'elle est exclusive, qu'à ce titre, il ne faudrait qu'un seul fait contraire pour la réfuter, et que même en supposant qu'on n'aurait point connaissance des faits contraires, il faudrait, pour l'établir, un peu plus de 46 observations ou expériences faites sur une vingtaine d'espèces. Deuxièmement, qu'il en faudrait beaucoup plus encore et de plus vigoureusement vérifier pour établir la nécessité et l'existence d'une loi particulière dérogeant aux lois générales de la nature en faveur du coucou. Troisièmement, qu'en admettant que les expériences eussent été faites en nombre suffisant et suffisamment vérifiées, il eût fallu encore pour les rendre concluantes, en assimiler les procédés autant qu'il était possible dans toutes leurs circonstances, et n'y souffrir absolument d'autres différences que celles de l'œuf. Par exemple, il n'est pas égal sans doute que l'œuf soit déposé dans un nid étranger par un homme ou par un oiseau, par un homme qui couve une hypothèse chérie, contraire à la réussite de l'incubation de l'œuf, ou par un oiseau qui paraît ne désirer rien tant que cette réussite. Or, puisque l'on ne pouvait pas se servir du coucou, du merle, de l'écorcheur, de la fauvette ou du roitelet, pour substituer un œuf unique de ces différentes espèces aux œufs des chantres, rouge-gorge, lavandière, etc., il eût fallu que la même main qui avait agi dans ces sortes d'expériences, faites avec des œufs autres que celui du coucou, agît aussi dans un pareil nombre d'expériences correspondantes faites avec l'œuf même du coucou, et comparer les résultats. Or, c'est ce qui n'a point été fait. Cela était néanmoins d'autant plus nécessaire que la seule apparition de l'homme, plus ou moins fréquente, suffit pour faire renoncer ses propres œufs à la couveuse la plus échauffée, et même pour lui faire abandonner l'éducation déjà avancée du coucou, comme j'ai été à portée de m'en assurer par moi-même. Quatrièmement, les assertions fondamentales de l'auteur ne sont pas toutes exactes, car le coucou pond quelquefois, quoique très rarement, deux œufs dans le même nid, et cela était connu des anciens. De plus, l'auteur suppose que l'œuf du coucou est toujours seul dans le nid de la nourrice, et que la mère coucou mange ce qu'elle trouve dans ce nid, ou les détruit de quelque autre manière. Mais on sent combien un pareil fait est difficile à prouver, et combien il est peu vraisemblable. Il faudrait donc que jamais cette mère coucou ne déposât son œuf ailleurs que dans le nid d'un oiseau qui aurait fait sa ponte entière, ou que jamais elle ne manquât de revenir à ce même nid pour détruire les œufs pondus subséquemment. Autrement, ses œufs pourraient être couvés et éclore avec celui du coucou. Et il y aurait quelque changement à faire, soit dans les conséquences tirées, soit dans la loi particulière imaginée à plaisir. Et c'est précisément le cas, puisqu'on m'a apporté nombre de fois des nids où il y avait plusieurs œufs de l'oiseau propriétaire, avec un œuf de coucou, et même plusieurs de ces œufs éclos ainsi que celui du coucou. Cinquièmement, mais ce qui n'est pas moins décisif, c'est qu'il y a des faits incontestables, observés par des personnes aussi familiarisées avec les oiseaux qu'étrangères à toute hypothèse, lesquels faits, tous différents de ceux rapportés par l'auteur, réfutent invinciblement ces inductions exclusives et font tomber le premier statut particulier qu'il a bien voulu ajouter aux lois de la nature. Première expérience, une serine qui couvait ses œufs et les fit éclore, couva en même temps et encore 8 jours après, deux œufs de merle pris dans les bois. Elle ne cessa de les couver que parce qu'on les lui ôta. Seconde expérience, une autre serine ayant couvé pendant 4 jours, sans aucune préférence marquée, 7 œufs, dont 5 à elle et 2 de fauvette, les abandonna tous, la volière ayant été transportée dans l'étage inférieur. Ensuite, elle pondit 2 œufs qu'elle ne couva point du tout. Troisième expérience, Une autre serine dont le mâle avait mangé ses 7 premiers œufs a couvé pendant 13 jours ses 2 derniers avec 3 autres, dont l'un était d'une autre serine, le second de linotte et le troisième de bouvreuil. Mais tous ces œufs se sont trouvés clairs. Quatrième expérience. Une femelle de troglodyte a couvé et fait éclore un œuf de merle. Une femelle friquet a couvé et fait éclore un œuf de